Nyanya. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Miela moi wa fait marcher, ma balle avec vous m'épuise. Maman chérie pour jambre même, quand tu jambourais même tout. Mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, maman oui. De la wo, de la wo, ap kouy café, kouy cacao, ap descend la ville, ap descend la ville, ay me jou bare moi, maman, maman, maman oui, maman, maman oui, ay, basa, kere, elan oui, an oui. Des fois je dis coquet, mais le coquet ou apprêter mes chèles là pour me décoquer. Quand il fait blesse, quand il est là, la bouillie a du pot au sol là. Grenadine cachée, mon gabec là, associé pour un petit. Mais maman, moi j'ai besoin d'homme, et t'aimes d'homme, femme comme ça pour me taper comme ça. En oui, pas qu'à guébé, pas qu'à guébé. Maman, maman, on va changer longtemps, maman. Mette la fête la goule et soi. Al caché ensemble, maman. Maman aimé moi, papa aimé moi. En oui, il en oui, en oui. Moi résigné pour moi aimé. Sans celle bagaille que m'a pendé. Pour pas vite faire, faire jalousie. Pour demain, bonjour la vie. Mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, maman, oui. La bla bouillée, moi. La bouillée, bouillée. Ouvrez porte pour moi. Ouvrez porte pour moi. Bon cabas dodo. Bon cabas dodo. En oui, en oui. Baka kembe, maman, oui. La bla bouillée, maman, oui. N'a pas descendre la ville, oh yeah. N'a pas peser café, oh yeah. Peser cacao, oh yeah. Aye, aye, aye, aye, oh. Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye. Peser cacao, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, thank you. papa tout est content. Maintenant quand on sait pas parler, cousin cousin tombe parler, ça qui fait nous faire plein cas. Ben oui, ouais, marié, c'est ça. Ouais, mais tu veux l'anglais, ouais, mais même pyjama, ouais, ouais, oh oui. Chérie, ma bâche, c'est quatre manger, acheter des soirs bas. Alors, moi, même pour des lycées, on voit un crayon, ma petite robot, c'est ça qu'on va chanter au élé. Plein cas.